dans une impasse, je cherche l'issue de secours. Dans une impasse, je cherche l'issue de secours. Dans une impasse, je cherche l'issue de secours. Dans une impasse, je cherche l'issue de secours. D'entrée, je fais un big up à tous ces gosses abandonnés, condamnés par la solitude. Faut pas que ça devienne une habitude. Inquiétude omniprésente, la lassitude je représente, l'incertitude les ressentent. Souvent esclave du destin, du jour au lendemain pour des papiers tu te retrouves clandestin. Et sans ces pas, pas thune, ça tue. Et pour survivre il faut que tu fasses gaffe. J'écris pour ceux qui sont aigris, aigris par la vie au quotidien sombre et gris. Dans l'ombre je prie pour que les choses s'améliorent. En ombre on crie puisqu'on veut tous le milliard comme Bill Gates. Quête le regard de ceux qui ont tout perdu. Observe leur attitude puis fais-moi ton compte rendu. Visage glacé, démarche lente, délaissé. Difficile de remonter la pente. Né orphelin, le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme la lionne le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme la lionne le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Sans père ni mère, la rue, mon seul repère, c'est qui tout double. Comme au loto, tu gagnes ou tu perds. Ni orphelin, compte pas sur moi pour faire des câlins. Joue pas trop les malins, tu sais la vie fait mal hein. Fatigué de nager dans le désespoir. M'en sortir un jour, ça je me le laisse croire. Tellement je trim, je suis tenté par le crime. Jeune chasseur de rimes, peu de temps pour la prime. Ce qui prime pour moi, c'est d'avoir un peu de respect. J'ai mal au crâne, épuisé de paraître suspect. Ma vie un challenge, mais je relève le défi. Le diable, je m'en méfie, n'y a qu'à Dieu que je me fie. Dès le départ c'était mal barré. En avance en zigzag, comme des brebis égarées. La chasse est ouverte pour le philosophe. Lion en 3x9. Né orphelin, le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme lion le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme lion le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie la nous terre offre. Est maudite. Alors chaque jour je milite, je médite. Et je me dis que chacun ses limites. Mes racines sont ma force. Africa. La vie c'est danger, je prie déjà. Mon but devenir un vrai soldat. Depuis longtemps la vie me fait du rentre dedans. Je lui ai rien fait de mal. Pourtant elle veut se faire mettre en dedans. Jeune orphelin immigré, donc forcément dénigré. Malgré leur loi, leur système, je voudrais m'intégrer. J'ai rien à perdre, par contre j'ai tout à prouver. Le bonheur, on est plusieurs à pas l'avoir trouvé. Pour réussir faut bosser dur. Négro c'est dur d'être un homme. Mais bon tu connais la procédure. L'amitié, la famille pour moi c'est sacré. Je fais des efforts mais le chétan veut tout massacrer. Ce n'est que le début, alors je me débat. Je marque des buts pour les orphelins, j'ouvre le débat. Né orphelin, le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme la lionne le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme la lionne le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Né orphelin, le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme la lionne le philosophe, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Le temps de ragnon devient un orphelin. Comment reprocher à l'autre ce que le sort fait de l'un. Comme la lionne le philosophe, ni orphelin, nous devons composer avec le peu que la vie nous offre. Les oubliés, le philosophe.